Levez-vous, lui dit doucement le marquis. Je vous ai pardonné. Au moment même de l'injure, j'ai respecté ma femme en vous. Il n'est pas sorti de ma bouche une parole qui l'ait humiliée, ou du moins je m'en repens, et je proteste qu'elle n'en entrera plus aucune qui l'humilie. Si elle se souvient qu'on ne peut rendre son époux malheureux sans le devenir. Soyez honnête, soyez heureuse, et faites que je le sois. Levez-vous, je vous en prie, ma femme. Levez-vous et embrassez-moi. Madame la marquise, levez-vous. Vous n'êtes pas à votre place. Madame des Arcis, levez-vous. Pendant qu'il parlait ainsi, elle était restée, le visage caché dans ses mains et la tête appuyée sur les genoux du marquis. Mais au mot de « ma femme », au mot de « Madame des Arcis », elle se leva brusquement et se précipita sur le marquis. Elle le tenait embrassé, à moitié suffoquée par la douleur et par la joie. Puis, elle se séparait de lui, se jetait à terre et lui baisait les pieds. « Ah !» lui disait le marquis, « je vous ai pardonné, je vous l'ai dit, et je vois que vous n'en croyez rien. »« Il faut, » lui répondait-elle, « que cela soit, et que je ne le crois jamais. » Le marquis ajoutait, « En vérité, je crois que je ne me repens de rien, et que cette pommerée, au lieu de se venger, m'aura rendu un grand service. Ma femme, allez vous habiller, tandis qu'on s'occupera à faire vos mal. Nous partons pour ma terre, où nous resterons jusqu'à ce que nous puissions reparaître ici, sans conséquence pour vous et pour moi. » Ils passèrent presque 3 ans de suite, absents de la capitale.